Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous. Vous l'avez compris, hein, c'est le moment de se poser, de passer une heure ensemble. Bienvenue dans la bulle de l'IA. Aujourd'hui, voyage vers le vert, vers la paix. C'est une émission spéciale consacrée à Greenpeace que je vous propose aujourd'hui. Alors Greenpeace, eh bien, c'est une association à but non lucratif, organisation non gouvernementale internationale. Son siège se situant maintenant à Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle a été créée en 1971, cette association Greenpeace. Elle est présente partout à travers le monde, 3,2 millions de membres en 2017. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de pouvoir converser au téléphone avec François qui fait partie du groupe local Nancy-Metz, car des groupes locaux existent partout à travers la France, mais aussi à travers le monde. Il va nous expliquer pourquoi, comment, avec qui. Pour l'instant, avant de commencer cette interview, eh bien, je vous propose une première bulle de son avec Peace of Mind par Célassou. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Say, yeah, yeah, Peace of Mind de Selassou avant de commencer cette émission ensemble avec François Ritty qui nous parle du groupe local Nancy Metz de Greenpeace, mais pas que. C'est parti pour cette interview. Alors avec nous par téléphone, François Ritty, 22 ans, étudiant, mais pas que. François, tu fais partie de l'association Greenpeace du groupe local Nancy Metz. Bonjour et merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour échanger et nous informer sur Greenpeace. Comment ça va, François ? Eh bien écoute, Lia, ça va très bien. Comme tu l'as dit, effectivement, Greenpeace Nancy Metz, ça fait depuis maintenant 3 ans que j'y suis. D'accord. Et écoute, c'est que du bonheur. Eh ben oui, oui. Alors pour commencer, un petit focus sur l'histoire de Greenpeace, hein, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être encore pas ou en tout cas pas bien, Greenpeace c'est une ONG de protection de l'environnement présente dans plus de 55 pays à travers le monde. Greenpeace est un groupe de plaidoyer luttant contre ce qu'il estime être les plus grandes menaces pour l'environnement, la biodiversité sur la planète. L'association née à Vancouver en 1971 quand un groupe de 14 militants pacifistes et écologiques renomment leur association Don't Make a Wave Committee, fondée à Vancouver en 1969, cherchant un nom évocateur de sa double préoccupation environnement et pacifisme. Ces hommes, issus du monde des hippies, journalistes déserteurs de la guerre du Vietnam, choisissent les termes green et peace qui, selon eux, résument le mieux leur démarche. C'est en 1971 qu'ils embarquent à bord d'un vieux chalutier, le Phyllis Cormake, pour empêcher les essais nucléaires américains sur le site d'Amchitka, j'espère que je l'aurais bien prononcé, en Alaska. Dès 72, les États-Unis cessent leurs essais nucléaires atmosphérique. C'est en 1979 que Greenpeace devient une organisation internationale quand les bureaux d'Europe du Pacifiste... Quand les bureaux d'Europe, du Pacifique et d'Amérique se réunissent pour constituer Greenpeace International. Depuis 89, l'organisation a son siège à Amsterdam, d'où sont définies et coordonnées les campagnes de l'ONG. Est-ce que j'ai tout bon, François, jusqu'ici ? Mais écoute, tu as parfaitement bien résumé, même je pense beaucoup mieux que je l'aurais fait, puisqu'il y a des choses que je viens d'apprendre également. Et ben voilà. Au niveau des dates, en tout cas, c'est sûr. Okay. Je pensais que c'était directement international, mais non, au final, oui, ça s'est fait petit à petit, comme tu l'as bien précisé. Voilà. Alors François, toi, comment as-tu rencontré Greenpeace ? C'est une belle histoire, en plus. C'est une très belle histoire, puisque en fait, c'était en 2015 ou en 2014. Je pense que c'est plutôt 2015, vu qu'on est en 2018. Oui. Il y a eu à Nancy, sur la place Carnot, une grande place à Nancy, un village Alternativa. D'accord. En fait, c'était un village des alternatives, que ce soit au niveau entreprise, collectivité et également association. Mmh. Chacune avait un stand et je me suis baladé pendant 2 jours sur ce village associatif et puis du coup entrepreneurial. D'accord. Et j'ai découvert le stand Greenpeace. D'accord. Et ben voilà, je me suis dit pourquoi pas. Eh ben oui. Pourquoi pas agir. Ah oui, super. Qu'est-ce qui t'a plu ? Quelle valeur t'ont convaincu, entre guillemets ? Ben écoute, la première valeur qui m'a vraiment le plus touché, c'est la non-violence. C'est d'accord. Vraiment le fait que on puisse faire bouger les choses et de manière totalement non-violente. D'accord. Pour moi, c'est fondamental, c'est même le number one, le must au niveau valeur. Après, la deuxième valeur, c'était évidemment l'indépendance. D'accord. Hein, l'indépendance, qu'elle soit financière, politique, et le troisième, je me rappelle plus, vis-à-vis des entreprises également, enfin, Greenpeace ne compte que sur ses adhérents, et ça me plaît beaucoup. Et oui, c'est totalement indépendant. Aujourd'hui, quel est ton rôle au sein du groupe Greenpeace ? J'ai un rôle, alors on pourrait dire un peu... C'est pas le plus passionnant, c'est celui de coordinateur. Parce que le coordinateur, c'est ça, c'est ceux qui gèrent l'équipe, qui gèrent les couacs, qui gèrent la technique, la stratégie, et c'est pas forcément le rôle le plus joyeux, mais bon, c'est toujours intéressant. Et voilà, je le remplis avec grand plaisir. Eh ben oui, c'est super. J'imagine que tu dois avoir beaucoup de monde. Ça doit quand même être voilà une aventure humaine assez hors norme entre guillemets, même si parfois il faut gérer un petit peu quelques couacs, comme tu le dis. Est-ce que tu sais combien de bénévoles sont engagés au sein du groupe Greenpeace local Nancy-Metz? Alors au sein de Nancy-Metz, il y a une vingtaine de bénévoles. D'accord. Et du coup plutôt autour de 5 vers Metz et autour de 15 vers Nancy. Nancy, vu que c'est une ville plus étudiante, il y a ce côté, on a quand même plus de monde grâce à ce côté étudiant. D'accord. Je précise aussi que dans la coordination, je ne suis pas seul. Ah. oui, bien sûr, voilà, on est en équipe quand même. Il y a un coordinateur à Metz. D'accord. Et deux autres co-coordinateurs à Nancy. Plus un ancien coordinateur à Nancy, du coup, en grosso modo, on est 4 à Nancy au niveau de la coordination et 1 à Metz. Voilà, on espère un jour que ça va décoller. Et au final, oui, 20 personnes pour un groupe local, c'est pas énorme. Non, c'est vrai, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Est-ce qu'il y a une majorité d'étudiants au sein de ce groupe local? Eh ben, écoute, sur Nancy, oui, sur Metz, non. Voilà, je pense que c'est vraiment dû au profil des villes. Mais bon, après, voilà, ça a ses avantages, ses inconvénients. Hein, je dirais le côté étudiant apporte un peu les idées, la fraîcheur dans le groupe. Et le côté plus les personnes qui ont déjà un travail, qui sont un peu plus âgées, apporte ce côté stable, ce côté expérience, oui. Qui est pour moi aussi fondamental. Quoi. On peut tous avoir notre place au sein de Greenpeace, quel que soit notre âge, etc. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, Greenpeace, eh bien, on l'a bien compris, c'est un réseau international d'organisations indépendantes qui agissent selon les principes, comme tu l'as si bien dit, de non-violence pour protéger l'environnement, la biodiversité et promouvoir la paix. Elle s'appuie sur un mouvement de citoyennes et citoyens engagés pour construire un monde durable et équitable. Il existe donc des groupes locaux un petit peu partout en France. Quel est le rôle vraiment de ces groupes locaux? Eh bien écoute, ces groupes locaux sont pas si vieux que ça. Hein. Oui. L'initiative de Greenpeace France d'avoir des groupes locaux, c'est quand même assez récent. D'accord. Et donc en fait, les groupes locaux ont deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est celui de relayer au niveau local, les campagnes internationales et nationales de Greenpeace. D'accord. Ça permet d'avoir une, je voudrais dire, le mot est peut-être pas bien approprié, mais force de frappe. Hein, d'accord. Parce qu'on est quand même non violent, mais bon. Oui. Donc, en fait, ça permet vraiment d'avoir un effet assez percutant, puisque le même jour, au même moment, que ce soit dans 25 villes de France, voire d'autres villes du monde, on va faire la même activité. Ah oui. Et donc, voilà, c'est ça. Wow. C'est vraiment le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir faire vraiment passer un message assez cohérent, puisqu'au final, ce sera le même message dans toute la France, voire dans l'international. Oui. Et ça va permettre d'avoir des retombées médiatiques au niveau local, et permettre de faire bouger les choses. Donc, par exemple, si c'est une activité de proposition de solution, et ben cette solution va vraiment percer dans les médias. Si c'est une activité de contestation contre un scandale climatique, oui, ou écologique, enfin, et bien à ce moment-là, ça va pouvoir aussi être mis sur la table. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier rôle, relayer ce que fait Greenpeace France, voire Greenpeace International. D'accord. Ensuite, le deuxième rôle, un peu plus nouveau, un peu plus neuf, c'est celui de faire bouger les choses au niveau local. Je veux dire, dans chaque ville en France, il y a des défis qui sont différents. Oui. Il y a des défis, que ce soit sur la mobilité, sur l'alimentation durable et des choses comme ça, qui, voilà, on va dire que chaque ville a un peu sa chose à changer. D'accord, sa bête noire. Et voilà, c'est ça, exactement. Et à ce moment-là, les groupes locaux ont pour rôle d'impulser le changement le plus intéressant au niveau local, celui qui va plus toucher les gens et qui va les faire embarquer dans le bateau du oui, citoyen. C'est-à-dire dire aux gens, c'est possible de faire bouger les choses, faut juste qu'on s'organise, quoi. Après, que ce soit Greenpeace ou autre, hein, c'est-à-dire que pour pour moi, Greenpeace, c'est surtout un outil, un groupe local. Greenpeace est un outil formidable. Oui. Après, que ce soit Greenpeace ou Alternatiba ou les Amis de la Terre qui ont les mêmes valeurs. Alors François, est-ce que parfois il vous arrive de vous rencontrer à travers les groupes locaux, entre groupes locaux, entre groupes internationaux et peut-être avec d'autres associations ? Alors oui, il y a en fait du coup les groupes locaux sont amenés, les groupes locaux Greenpeace sont amenés à se rencontrer lors des formations oui. que Greenpeace France propose. En fait, ce sont des formations sur des sujets précis, que ce soit une campagne en particulier. D'accord. Acquérir des connaissances sur la production d'énergie, acquérir des connaissances sur l'élevage, par exemple, oui. dans l'agriculture et tout ça. Lors des formations aussi un peu plus techniques, un peu plus sur des compétences associatives, comme parler en public, comme comment gérer la communication, des choses comme ça. Oui. Donc, lors de formations, on se rencontre. D'accord. Également, lors d'événements un peu plus festifs, où chaque année, au sein de Greenpeace, il y a un moment vraiment convivial qui est proposé pour que les personnes des différents groupes locaux se rencontrent. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des groupes locaux Greenpeace. Après, pour ce qui est des autres associations au niveau local, c'est un peu plus compliqué. D'accord. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'en fait, gérer un groupe local est déjà chronophage. Les rencontres entre différents acteurs associatifs est encore plus chronophage. D'accord. Ceci dit, ça se fait déjà. C'est-à-dire que à Nancy, par exemple, il y a l'association Eden, oui. Qui est une association locale de protection de l'environnement avec laquelle on est en contact, assez en contact. Il y a également un collectif de transport, un collectif qui concerne les transports, un collectif d'associations, dans lequel on fait partie, puisqu'il s'agit de la mobilité au sein de Nancy. C'est vachement important, hein, le tramway va être changé, c'est le sujet, c'est le burning news, voilà. Du coup, vraiment, il y a un côté interassociatif qui existe, mais clairement, à mon avis, il n'est pas du tout suffisant et pas du tout efficace. D'accord, il faudrait une plus grande cohésion entre tous pour peut-être pouvoir arriver à des résultats, en tout cas que l'on espère. Ah, c'est clair. En fait, si tu veux, il y a beaucoup d'associations, donc oui. C'est vraiment très bien sur différents sujets, c'est le pluralisme ou la pluralité, oui. Je ne sais pas comment le dire, mais il y a un moment donné où ce pluralisme est délétère, puisqu'au final, on bataille tous pour une chose différente, et vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas engagé, un citoyen, on va dire lambda, ce manque de cohérence le désespère complètement, je pense. Et puis au niveau du plaidoyer, du lobbying auprès des élus, ça n'a aucun poids. Oui, oui, oui. Et ça, c'est important pour Greenpeace d'avoir du poids. Hein, la méthode de Greenpeace, elle repose en partie, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, sur des actions un petit peu directes, coup de poing, mais non violentes, parfois très médiatisées. C'est ce qui a fait aussi sa renommée, s'appuyant sur des retombées, sur les retombées de ses actions pour informer les médias et le public. L'organisation agit aussi en tant que lobby auprès des autorités politiques et des dirigeants d'entreprises afin de promouvoir les changements appropriés. L'organisation s'est également spécialisée dans l'expertise écologique. Derrière les actions spectaculaires de Greenpeace, il y a aussi le travail essentiel d'expertise, d'investigation technique et scientifique, de construction d'argumentaires qui fondent les campagnes de l'organisation. Greenpeace a ainsi contribué activement à l'élaboration de plusieurs traités internationaux quand même qui protègent l'environnement. Voilà pour le début de cette émission avec François, émission consacrée aujourd'hui à l'association Greenpeace. N'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez en savoir plus, du groupe local le plus proche de chez vous, avant de continuer avec François et d'en savoir encore plus sur les actions de Greenpeace et toute autre chose. Je vous propose de se lancer ensemble dans notre deuxième bulle de son, cette fois-ci avec Dub Inc. pour Only Love. C'est parti et on se retrouve juste après. A big combination. message to the world now. That's right. The busy only thing that will never die. Share this love in the world. Ain't no dreams I'm selling them, the truth I'm telling them. Well, watch out, watch out, watch out. All right. And the vision limit is to us that we need to survive. And never go round, never do we'll be chastised. No worrying or fret, calculate and surmise. You check the outcome, you don't be surprised. And to the most, I'm gonna make a joyful night. We love salvation, you must win the prize. No matter about weight, no matter about size. Élevé comme un drapeau pour la paix, notre symbole. Fier de nos idéaux, toute la haine on abandonne. Plus jamais ne la pardonne, car la violence est sur la feuille. S'échappe de nos stylos, puis à travers le monde résonne. Lâché comme un oiseau qui s'élance et puis s'envole. Aussi haut que le flow de The Pink et Jamison. Happy combination, you sing now. All in love will allow you to survive. We spread this message to the world now. The world. Ain't no dreams I'm selling them, the truth I'm telling them. Well, what you know? Hey, see the people them were suffering, tell me your food. Say opposition leader, the whole of them mad. The ends of the earth, no for them not trad. All the money in the bank, them a boss and a brag. I still worry about the poor people back. Me never know, say, life come with price tag. Simply mean you will suffer. If you don't have me mother poor, me father poor, I'm a poor little lad, yeah. Give me the advice and affection, looking for the solution. You know what? I get sworn in confusion. Give me the love and redemption, yeah, yeah, yeah, yeah. Babylon kills them tomorrow. I and I feel the sorrow. The sorrow. So many deaths and no hero. The hero. Survive. We spread this message to the world now. Love is the only thing that will never die. We'll never die, we'll never fall. Only love we need in this world to survive. We share this love in the world. Ain't no dreams I'm selling them, the truth I'm telling them. Alright, alright, alright. All the hate we fire burn. We fighting for peace, the big always make them run. No need for use bombs, no need for use guns. No war man, put away your weapons. Even when we out and down, my dad is always around. So we should give thanks for life. So we should give thanks for Dub Inc, Only Love, avant de se replonger eh bien, dans cette interview. Et puis d'ailleurs, eh bien, c'est maintenant. On retrouve François pour parler de l'association Greenpeace. C'est parti. Alors, on l'a vu avec toi, hein, il y a des vraies valeurs écologiques, certes, mais pas que, hein, c'est du respect, du pacifisme. Est-ce que toi, on a parlé un petit peu des raisons pour lesquelles tu as rejoint Greenpeace, est-ce que c'est des valeurs, des choses que tu avais déjà en toi et là que tu as vraiment pu exploiter au sein et au bénéfice de Greenpeace ? C'est-à-dire que ces valeurs qui sont la non-violence, l'indépendance, tout ça, clairement, on les vit tous les jours. Oui. Hein, quand on construit une activité, quand on applique une activité qui est proposée par Greenpeace France, la non-violence est centrale. Oui. À chaque étape de l'activité, quand on la monte, on se dit, attends, est-ce qu'on est toujours dans la non-violence ou pas? D'accord. On fait attention, on va changer le truc, voilà. Donc, clairement, oui, on les vit à tout moment. Et surtout, comme tu disais, les Greenpeace France et International a toujours un peu ce schéma de progression. Comme tu le disais, d'abord il y a l'expertise, et ça c'est vraiment le truc fondamental, et c'est ce dans quoi Greenpeace France reverse beaucoup d'argent à des adhérents en fait. Hein. D'accord. Avant d'agir, forcément, il faut vraiment savoir pourquoi on agit, et c'est grâce à cette expertise qui est d'ailleurs presque jamais remise en question, hein, parce que voilà, c'est du travail vraiment béton, vraiment indépendant et sérieux. D'accord. Après, effectivement, après cette expertise-là, pourquoi pas directement convaincre les dirigeants, que ce soit des dirigeants d'entreprise, des dirigeants des élus. Oui. Hein, ça du coup c'est le lobbying, le plaidoyer. Hein, on va dire que le plaidoyer c'est le bon lobbying. Hein, le lobbying a pris une mauvaise tournure de nos jours. Oui. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on peut quand même toujours toucher la sensibilité des élus. Oui. Et des décideurs industriels. Et après, effectivement, quand ça ne marche pas, c'est souvent le cas, et à ce moment-là, on bascule plus sur de la campagne d'information. Oui. Là, que les groupes locaux interviennent. D'accord. Les groupes locaux interviennent en faisant des petites activités ludiques, ça s'appelle des happenings de rue. Oui. Où en fait on se met en scène dans la rue, ce sont des mini-scènes, par exemple, le dernier en date qui pour moi était le mieux, c'était les piscines nucléaires qui n'étaient pas assez sécurisées. D'accord. Donc en fait on avait des grandes piscines de 3 mètres, 4 mètres sur 4 mètres en carton, oui. En fait, pour dire voilà, les piscines nucléaires d'EDF sont vraiment en carton, et donc du coup on était habillés en nageurs de piscine, dans cette piscine nucléaire qui n'est pas assez sécurisée. Voilà, c'est cette mise en scène un peu ludique qui va permettre d'attirer les médias. Ces médias pourront alors rediffuser l'information et ça va évidemment peser sur les choix d'EDF. Hein, voilà, à un moment donné, il faut quand même pas que les clients d'EDF soient mécontents d'EDF. Donc ça c'est vraiment la troisième phase. Après, quand cette campagne d'information ne fonctionne pas, dans le cas d'EDF c'est souvent le cas, oui. À ce moment-là, les activistes entament les activités un peu coup de poing. Alors les activistes ne sont pas des bénévoles des groupes locaux, dans les groupes locaux on fait que du soft. D'accord. Les activistes, eux, s'occupent un peu plus du hard, okay. Mais toujours dans la non-violence. Ok, donc il y a deux catégories bien spécifiques. Il y en a qui sont plus formés et plus aptes à faire de plus grandes opérations coup de poing que d'autres. De toute façon, chacun a sa place. Il n'y a pas de place au hasard, par contre, chez Greenpeace. On l'a bien vu. Tout est bien coordonné, bien agencé. Alors voilà, il y a plusieurs points, hein. Agriculture, nucléaire, climat, forêt, océan. Greenpeace, eh bien, et bien surtout les fronts. Alors, au sein de Greenpeace, chacun s'engage sur un point, ou alors est-ce que vraiment, quand on adhère, quand on entre, qu'on a envie de participer à l'aventure Greenpeace, on participe à chaque action, en tout cas, de son groupe local? Eh bien, écoute, une fois qu'on est bénévole au sein du groupe local, un bénévole, pour moi, doit rester libre. D'accord. Et c'est ce qui se passe dans tous les groupes locaux de France. Après, dans les autres groupes locaux à l'international, je ne sais pas comment ça se passe, mais chacun est libre de s'engager sur le sujet qui lui plaît. Et donc, du coup, en tant que coordinateur, on propose aux bénévoles, voilà, on a une activité sur l'agriculture et les pesticides. Qui veut participer à cette activité, à ce moment-là, en fait, il y a une équipe qui se forme autour de cette activité, et puis cette équipe se rassemble, se voit, et puis on fait une réunion, deuxième réunion, puis après, lors de l'activité, voilà, on réalise l'activité. Actuellement, on est un peu sur un point de bascule, c'est-à-dire que on essaye de spécialiser un peu les bénévoles. Tu vois, t'imagines que y a une grande part du gâteau, hein, y a, oui, les quatre campagnes que tu viens de citer, hein, l'agriculture, les océans, l'énergie, et puis les forêts. Oui. Et en fait, c'est très intéressant dans des groupes locaux d'avoir des personnes un peu référentes sur un sujet, parce que on part du principe qu'on peut pas tout faire toujours bien. Voilà. C'est sûr. Il faut sa petite spécialité, quoi. C'est ça. Alors, les groupes locaux, voilà, de Greenpeace, ils vont aussi auprès des citoyennes, citoyens dans la rue pour les informer. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré un petit peu plus cette association. C'est important d'aller au contact du citoyen pour sensibiliser. Ouais, complètement. En fait, évidemment, à travers les médias, on peut sensibiliser les citoyens, mais il n'y aura jamais une meilleure sensibilisation, une meilleure, comment dire, un meilleur passage, oui, du message que, voilà, dans une relation réelle et de contact, quoi. Voilà, c'est ça. De la discussion reste et restera, je pense, le meilleur moyen de faire passer des messages. Et en plus de ça, il y a également aussi dans la rue, j'imagine que toi, c'était sûrement une discussion. Oui. Nous, parfois, dans les groupes locaux, quand on fait une activité un peu ludique, hein, on a un déguisement d'ours polaire et on va faire des free hugs aux personnes. Oui. Avec une pancarte, un dernier câlin, point d'interrogation. Oui. Parce que l'ours sera peut-être plus là. Et ben, voilà, on arrive non seulement à faire passer le message, mais en plus à essayer de faire vivre quelque chose, à essayer de donner un point d'ancrage à ce discours, quoi, une image, quoi. Le contact, en tout cas, est très important. Et puis, la façon d'amener les choses auprès des gens, ça l'est aussi. Et on voit bien qu'à travers votre démarche, ça a l'air de plutôt bien marcher. On comprend bien pourquoi, ça, c'est sûr. Alors, il y a beaucoup de pétitions mises en place par Greenpeace pour justement laisser la place à la voix du citoyen et montrer aux gens, aux entreprises ou aux élus le poids de ces voix. Est-ce que ça change vraiment les choses, ces pétitions? Alors, clairement, ces pétitions, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, les personnes peuvent, en dehors des élections tous les 5 ans en France, peuvent donner leur avis. Oui. Donc, moi, je trouve que c'est le point positif. Après, est-ce qu'elles sont utiles? Je dirais, c'est toujours plus utile que rien. Effectivement, on pourrait toujours avoir des pétitions qui sont plus poussées, qui sont avec plus de signatures et des choses comme ça. Actuellement, les pétitions de Greenpeace, je les trouve plutôt efficaces, puisqu'au final, Greenpeace n'en fait pas non plus tout le temps. Ils essayent de réduire le nombre de pétitions pour que, justement, les pétitions aient plus de poids. D'accord. Et clairement, en fait, ça permet, ces pétitions-là permettent vraiment que quand les plaidoyeurs vont voir les décideurs politiques ou industriels, écoutez, là, il y a 20 000 personnes derrière nous, va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est sûr, c'est sûr. On peut signer directement sur le site de Greenpeace ces pétitions. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que si on est sensibilisé et que voilà, on a envie de faire quelque chose, eh ben ça peut se faire très très facilement. On remettra bien sûr l'adresse de ce site internet en podcast avec cette émission d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les campagnes qui sont à la une en ce moment chez Greenpeace? Ah ah, Alors oui, alors en ce moment, on va dire qu'il y a deux bonnes campagnes qui s'annoncent et d'ailleurs qui me plaisent beaucoup, qui plaisent beaucoup aux bénévoles du groupe local. D'accord. La première, c'est la campagne transport. Pour moi, elle a beaucoup de sens puisque les transports en France, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. D'accord. C'est vraiment très important. En plus de ça, en fait, on est, disons, tous concernés par les transports. Les transports nous touchent tous de près ou de loin, puisque tous les jours, nous transportons. Voilà. Et donc, cette campagne transport, elle a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, et donc d'arriver dans les villes, surtout dans les centres-villes, à moins de pollution de l'air, en fait. Dans les centres-villes, c'est vraiment l'endroit où on peut réellement faire bouger les choses, passer d'une mobilité tout voiture à une mobilité beaucoup plus douce, que ce soit transport en commun et évidemment les vélos. Hein. Aujourd'hui, le tout voiture en centre-ville, c'est clairement un non-sens écologique et un non-sens de confort. Hein. Oui. Si on compare un centre-ville, bah, par exemple, si on compare tout simplement les centres-villes de Nancy et de Metz, oui. Metz avec un centre-ville piéton et Nancy avec un centre-ville où les voitures passent encore, c'est pas du tout la même ambiance. D'accord. Voilà. Ah oui. Ouais, ouais, c'est clairement, on voit la différence. Il y a beaucoup plus de stress dans le centre-ville nancien que dans le centre-ville messin. Ça, c'est ça, on le ressent en tant que touriste. Oui. Donc là, l'action, c'est tout le monde à vélo ou faites du covoiturage, prenez les transports en commun, mais arrêtez de tout faire en voiture au sein de Nancy et ailleurs. Exactement. Et puis en plus, cette campagne-là, elle a un peu bénéficié de la Coupe du Monde de football, hein, puisque maintenant... la France a quand même marqué un grand pas dans l'histoire du football. Et en fait, les activités qui étaient liées à cette campagne, c'était de faire le match contre la pollution de l'air, quoi, en fait. Hein. C'était le FC Diesel contre le SCR pur. Et donc, on mettait en scène un match de foot en centre-ville. Hein. On se mettait sur une place publique et on faisait jouer les passants au foot contre le FC Diesel. Évidemment, le FC Diesel devait perdre. Bah, bien sûr. toujours ludique, voilà. En tout cas. Voilà, toujours ludique, ouais, ouais. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on pense que les messages passent le mieux. Et puis nous, en tant que bénévoles, on s'éclate aussi, quoi. Bah, vous avez bien raison. Vous êtes bien sur Radio Guémozo. Nous sommes toujours ensemble dans la bulle avant de continuer cette interview que j'ai menée il y a quelques jours avec François du groupe local Nancy-Metz de Greenpeace. Ça, vous l'avez bien compris. Eh bien, c'est tout simplement le moment de se lancer dans une nouvelle bulle de son avec cette fois-ci Norah Jones pour Peace. Hein, on reste dans le thème. On écoute ça et on se retrouve juste après. Thank you. peace of mind. Leave your worries behind. Don't say that it can't be done with a new point of view. Life's true meaning comes to you, and the freedom you seek is won. Peace is for everyone. Peace is for everyone. Peace is for everyone. De Norah Jones avant de continuer sur notre suite d'émissions avec François du groupe local Nancy-Metz de Greenpeace. C'est parti pour la suite de toutes les informations et puis la suite voilà, de tout son parcours et de tout ce qu'organise Greenpeace. Donc le transport, ça c'est le premier point. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en même temps ou alors on se consacre vraiment à ce point-là pour l'instant? Non, alors en même temps, il y a une deuxième, effectivement. D'accord. Une deuxième campagne qui arrive un peu en force, c'est l'alimentation. Donc là aussi, on est tous de près ou de loin concernés par l'alimentation, puisqu'on mange 3, voire 4, voire 5 fois par jour, hein, ça dépend des personnes. moi, je suis à 4. Bon, petite moyenne. Non, et du coup, le truc aussi, c'est que Greenpeace s'est rendu compte, enfin, et d'autres organisations, d'autres ONG se sont rendu compte que la consommation de produits animaux est en fait, fait une grande part des émissions de gaz à effet de serre, hein, puisque c'est le 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, plus que tous les transports réunis, hein. Donc là, je parle du monde. D'accord. Dans le monde, la consommation de viande et de produits animaux impacte plus que tous les transports réunis, même avec l'avion. D'accord. Et oui, parce que en fait, il y a tout ce qu'il y a derrière à comprendre, hein, c'est que pour l'élevage, il faut beaucoup de surface, beaucoup d'intrants, beaucoup de céréales et de légumineuses. Oui. Donc pour ça, il faut raser les forêts primaires, comme l'Amazonie. Hein. Bon. L'Amazonie est à 80% rasée par le beefsteak, pour le beefsteak plutôt. Et donc voilà, donc en fait, on essaye de sur cette campagne-là, de faire bouger les mentalités à travers les cantines scolaires. D'accord. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un ou deux repas végétariens exclusifs dans les cantines pour montrer que voilà, au niveau santé, on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. C'est vraiment bénéfique d'avoir des repas sans viande. C'est vrai. La consommation de toute façon de protéines est deux fois trop élevée selon l'ANSES, donc une agence de santé. Donc c'est quand même assez marquant. Oui. Donc au point de vue santé, ce sera meilleur. Au point de vue gustatif, ça permettra aussi d'ouvrir les horizons. Tout à fait. Et puis c'est surtout voilà le côté responsable et éco-responsable qui est derrière tout ça, puisque en consommant moins de produits animaux et moins de produits animaux, eh bien à ce moment-là, on arrive à moins de gaz à effet de serre. Alors, ce qui ne veut pas dire non plus que les éleveurs locaux seront impactés, hein, parce que justement, actuellement, la demande en produits animaux est tellement forte que 67% par exemple, du bœuf en France est importé, quoi. D'accord. Donc, au final, et on sait très bien que la viande importée, hein, c'est pas la viande plein air, hein, non, c'est plutôt l'élevage en batterie, bien pas propre du tout. Mm. Et donc voilà, donc vraiment se peut-être manger moins de viande, mais de la meilleure qualité. C'est sûr. Alors on essaye d'introduire 2 repas végétariens par semaine au sein des cantines, d'augmenter la part du bio dans toute la restauration scolaire, d'interdire la présence des lobbies dans les écoles et de limiter son influence dans les instances de décision. Est-ce que les maires, les écoles, les collectivités, cantines, est-ce qu'ils répondent présents à cette demande et puis à ce besoin qui

Rêve d'une terre sans discrimination, sans conflit, tendre la main à ceux dans la solitude, comme ce petit paralysé sur un lit. Convoite le bonheur, ce second souffle. Y'a des gens qui souffrent et qui font pas semblant. Pour tous les pays en guerre, j'agite le drapeau blanc. Baissez les armes, séchez vos larmes. Pour un jour de paix, c'est maintenant. Si la paix pouvait embraser ce monde juste un jour, une trêve, une pause, pour que l'on sache après quand on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs? Ne lui vendez pas vos âmes. Comment rester insensible? La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain, est-ce possible? Comment rester insensible? Une vie minable, dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible. Yeah, 113 Blacko, 9495, Gold Jam Music, Ghetto Youth Progress, yeah man. Comment veux-tu que la terre tourne à l'endroit si nos cerveaux marchent à l'envers, man? Reaction, reaction! Un jour de paix, Blacko avec 113, c'était voilà un instant. On se lance dans notre dernière partie d'émission. Est-ce qu'il y a des activités locales qui sont prévues ces prochaines semaines, par exemple, où on pourra retrouver Greenpeace? Ah, et ben non, justement, vu que c'est la pause. D'accord, on va attendre un petit peu. Dès septembre, ça va reprendre. Disons que de toute façon, sur notre page Facebook, en fait, on informe les followers de la page Facebook d'Ancimès des prochaines activités. Et donc, du coup, on invite forcément les personnes qui sont intéressées, qui veulent découvrir, qui veulent s'engager, pourquoi pas, on sait jamais, et ben, à nous rejoindre directement sur les activités pour qu'elles puissent découvrir voilà ce qu'on fait dans le concret mais clairement pour l'instant pas d'activité de prévue, c'est voulu hein. Oui. Au sein d'une association l'épuisement peut vite arriver, donc on a instauré cette pause fondamentale et nécessaire. Eh ben oui, chaque premier mardi du mois, on peut retrouver quelques bénévoles de Greenpeace, ça c'est pareil, ça reprend à la rentrée. Ah non, ça c'est toujours actif. C'est toujours actif, donc chaque premier du mois, ça voilà, c'est sympa. C'est ça. Chaque premier mardi du mois, en fait, on a fait la communication là-dessus sur les affiches et les flyers, donc on n'a pas le choix, on est pris au piège, donc on est obligé d'assurer cette c'est permanence une pause. De présentation. Voilà, c'est ça. On s'est fait avoir. Ben voilà. Et voilà, non, du coup, on propose quand même cette petite heure de présentation du groupe local chaque premier lundi du mois à 19h, d'accord, que ce soit à Nancy ou à Metz. Oui. Et à ce moment-là, en fait, on présente ce que c'est Greenpeace, c'est quoi les valeurs, qu'est-ce qu'on fait dans le groupe local. Et voilà, on dit voilà, maintenant que tu sais, est-ce que tu veux t'engager à nos côtés ou est-ce que voilà, c'était juste pour savoir. Voilà. Bah voilà, vous pourrez vous informer, que ce soit sur le site internet, sur la page Facebook, par exemple, eh bien du groupe local Nancy-Metz, ou au sein de ces réunions les premiers mardis de chaque mois à 19h, que ce soit à Nancy ou à Metz, pour en savoir plus sur les actions de Greenpeace, ses valeurs, son histoire, etc. Alors il y a plusieurs façons d'aider Greenpeace. On peut faire un don directement sur le site, on peut donner de son temps comme on vient de le dire, pourquoi pas en étant bénévole, et on peut également signer toutes les pétitions qui sont proposées en ligne. Voilà, chacun peut faire quelque chose à sa hauteur par rapport à ses envies, son temps, etc. Donc plus d'excuses, n'hésitez pas. François, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'intervenir au sein de la bulle pour nous parler de Greenpeace, du groupe local Nancy-Metz, de toutes ces actions et puis un petit bout de ton histoire. Est-ce que tu vois un autre mot à rajouter? Oh bah écoute, déjà tout plaisir était pour moi aussi, hein, vraiment un plaisir partagé. Merci. Et que finalement c'est cool d'agir et c'est facile d'agir. Et bah voilà. Parfait. Je te laisserai ce dernier mot. Merci beaucoup à toi, François, et puis un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui sont auprès de toi et partout dans le monde, que ce soit au sein de Greenpeace, mais aussi dans toutes les associations qui luttent pour la protection de notre planète, notre environnement, etc. On vous embrasse tous bien fort et on vous souhaite plein de bonnes choses à venir. Super, merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Voilà pour cette émission consacrée, dédiée eh bien, à l'association Greenpeace. Merci encore beaucoup à François d'avoir participé au sein de la bulle pour nous en dire beaucoup plus. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve eh bien, très bientôt. En attendant, eh bien, n'oubliez pas, c'est comme tous les jours. Hein. Bonheur, joie et rire à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown.